comme un raptor. Chromatise et je t'envoie dans le décor. Chromatise, je vais mettre tout le monde d'accord. Le rap le dévore avec la date d'un gros porc. Chromatise, en rupture comme un raptor. Chromatise et je t'envoie dans le décor. Chromatise, je vais mettre tout le monde d'accord. Le rap le dévore avec la date d'un gros porc. Démarrage en déboîtage, je manie le pilotage. Zigzag les virages, m'arrête quand faisant des dérapages. J'accélère, vénère, je calcule son père. Dans le rap pas besoin de code, donc on circule sans mi-père. Voici une vague de violence qui pousse à la noyade. Après les one-on-one, ça part toujours en salade. En embrouille on n'est pas 12, plutôt 92. Balayette, écrasement tête jusqu'à que l'ambulance te bouge. Je veux te faire des sons en chire, tout en restant cité. Pas le temps de réfléchir, faut agir sans hésiter. Le rap conscient, ça demande trop d'efforts. Me casse pas les couilles, je te ferai que du rap par corps. On a le seum, car y'a pas d'argent qui rentre. Les gros j'ai trop les gros, faut que je me remplisse le ventre. Laissez-moi passer, je vais tous vous dépasser. J'en ai plus cassé, attention je vais tout casser. Chromatise, en rupture comme un raptor. Chromatise, et je t'envoie dans le décor. Chromatise, je vais mettre tout le monde d'accord. Le rap le dévore avec la dalle d'un gros porc. Chromatise, en rupture comme un raptor. Chromatise, et je t'envoie dans le décor. Chromatise, je vais mettre tout le monde d'accord. Le rap le dévore avec la dalle d'un gros porc. Amateur, vas-y laisse faire les pros. T'as même pas fait le bête, tu veux passer en bac pro. On danse pas du seawall sur du son électro. T'es tombé dans la feuche comme un gueux, j'étais accro. C'est chacun pour soi, le reste on s'en fout. Toujours en rafia car on veut gratter des sous. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Combien le disent mais au fond combien le comprennent. J'ai rien à prouver, j'suis pas en bas mais au-dessus. J'vais dérifier jusqu'à ce que tu cheats dessus. C'est chromatise, c'est moi qui maîtrise. Si tu fais des thunes mais à gauche économise. L'argent sale reste sale même si t'essayes de la laver. Tu veux la blanchir mais elle sera que délavée. On habite dans des tests, pas dans des paftards. Fais l'art quand y'a les stars car on veut pas finir au star. Chromatise, en rupture comme un raptor. Chromatise, et je t'envoie dans le décor. Chromatise, je vais mettre tout le monde d'accord. Le rap le dévore avec la dalle d'un gros porc. Chromatise, en rupture comme un raptor. Chromatise, et je t'envoie dans le décor. Chromatise, je vais mettre tout le monde d'accord. Le rap le dévore avec la dalle d'un gros porc. Sur un beat de Spike Miller, je laisse les beats au pileur. Si je te réponds pas, t'as qu'à parler à mon répondeur. J'ai jamais de crédit donc t'étonne pas si je te rappelle pas. Pourquoi tu fais le mytho qui me check si on se connaît même pas? Je traîne avec ceux qui ont pas le sourire et qui sont blazes. Surtout quand les balances mettent à dénoncer les blazes. Pas le temps d'arrache mon frère, faut être sérieux. Fais pas la commère car je déteste les curieux. L'avenir appartient aux ambitieux. Si mes rimes sont en crime c'est parce que je suis furieux. Mélange, prends de l'avance, les rappeurs je les devance. Toujours dans la tendance avec ma paire de New Balance. Je fais un peu de sport quand je cavale après les transports. Mon but c'est de marquer des buts, avoir les meilleurs scores. Appelle-moi le maître. Donc toi t'es l'élève, j'arrive j'te perquise comme quand les condés te soulèvent. Chromatise, en rupture comme un raptor. Chromatise, et je t'envoie dans le décor. Chromatise, je vais mettre tout le monde d'accord. Le rap le dévore avec la dalle d'un gros porc. Chromatise, en rupture comme un raptor. Chromatise, et je t'envoie dans le décor. Chromatise, je vais mettre tout le monde d'accord. Le rap le dévore avec la dalle d'un gros porc. Chromatise, en rupture comme un raptor. Chromatise, et je t'envoie dans le décor. Chromatise, je vais mettre tout le monde d'accord. Le rap le dévore avec la dalle d'un gros porc. Chromatise, en rupture comme un raptor. Chromatise, et je t'envoie dans le décor. Chromatise, je vais mettre tout le monde d'accord. Le rap le dévore avec la dalle d'un gros porc.